Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Love Story, ou quand la France découvre ce qu'on appelle faussement la télé-réalité. Déclinée autour de la cuisine, de la musique, de l'aventure ou de la rencontre amoureuse, la télé-réalité, programme qui met en scène des inconnus et qui leur permet d'accéder à la promesse d'Andy Warhol, ce fameux quart d'heure de célébrité, pousse comme pousse la mauvaise herbe. Partout, le mieux-disant culturel a baissé la garde, ce qui laisse un champ d'investigation très large. En France, la révolution a eu lieu le 26 avril 2001. Ce jour-là, un objet non identifié envahit le paysage audiovisuel français. Le pays découvre alors, dans un mélange d'attrait et de dégoût, Love Story, le tout nouveau programme de la chaîne M6, qui propose de suivre la vie quotidienne de 11 jeunes adultes enfermés dans une maison et filmés 24 heures sur 24. La boîte de Pandore était ouverte. Pendant 2 mois, les Français scrutent les péripéties de ces nouveaux personnages. Et le jeu devient un phénomène de société. Dans les cours d'école, au bureau, dans les bars, à table, le loft nourrit les discussions. Tous les médias relaient quotidiennement les rebondissements de l'émission, les éditorialistes s'affrontent, les inconnus d'hier deviennent les héros familiers des Français, sans jamais devoir prouver quoi que ce soit, ni talent, ni connaissance. Comment en est-on arrivé là? Qui se cache derrière l'invasion de la télé-réalité en France? Pourquoi a-t-elle provoqué une telle fascination et modifié jusqu'à aujourd'hui la télévision française? Notre invité aujourd'hui, Daniel Schneiderman, journaliste spécialisé dans l'analyse et le décryptage de la télé. Il a travaillé au journal Le Monde, puis à Libération. Au moment de Love Story, il produisait et animait Arrêt sur image sur France 5, aujourd'hui diffusé sur Internet. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen, Jérôme Chélius. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter. Tout commence là, il verse une banlieue d'Amsterdam, ville emblématique des Pays-Bas, le pays le plus libre du monde occidental, le plus avancé sur le terrain des libertés individuelles. Nous sommes en novembre 1996. Le bâtiment futuriste, typique des entreprises modernes, découpe le ciel bas et gris de la petite bourgade néerlandaise. À l'entrée du building, un grand panneau affiche un nom, Endemol, contraction des patronymes de Joep van den Ende, inventeur des spectacles Holiday on Ice et principal pourvoyeur d'émissions pour la télé du pays, et John de Mol, jeune loup de la production, réputé pour être un génie de la conception de programmes télévisés. Ensemble, ils dirigent la plus importante société de production audiovisuelle des Pays-Bas. Aujourd'hui, c'est jour de réunion dite de créativité. John de Mol et son équipe gambergent. La réunion dure, c'est la panne sèche lors d'une brainstorming. Mais tout à coup, l'un des collaborateurs évoque un article qui parle d'une expérience folle menée par un milliardaire au cœur du désert américain quelques années auparavant. Le projet s'appelle Biosphère 2. Il consiste à faire vivre un groupe de personnes en autarcie sous une grande serre pendant 1 an. Immédiatement, l'idée fait tilt chez John de Mol. Comment a-t-il pu ne pas y penser plus tôt? Bon sang, mais c'est bien sûr. Alors les équipes de développement se mettent au travail. Pendant 3 ans, John de Mol planche sur ce nouveau concept. Finalement, le scénario de l'émission est posé et les règles du jeu établies. 10 inconnus, enfermés dans un appartement, seront filmés 24 heures sur 24. Le tout sera diffusé en direct tous les jours. Car il s'agit de garder l'idée du quotidien dans le temps, tout comme dans l'espace télévisuel. Au départ, ses collaborateurs sont sceptiques. Qu'est-ce qui pousserait les candidats à se présenter finalement? Et pourquoi les gens regarderaient? Pour John de Mol, la réponse est évidente. L'argent et la célébrité facile motiveront les participants. La promesse du réel et l'identification immédiate du téléspectateur au candidat attireront le public. Banco. John de Mol convainc la petite chaîne hollandaise Veronica de le suivre. L'émission est lancée en 1999. Le succès est immédiat et colossal. En à peine quelques semaines, la chaîne quadruple son audience. Comme toutes les émissions produites par Endemol, ce nouveau programme répond à un critère obligatoire. Il doit être adapté dans tous les pays du monde. Et ça ne manque pas. Face au succès hollandais, le concept est repris aux États-Unis dans toute l'Europe. Il porte le nom de Big Brother, qui effectivement relèguerait presque le grand 1984 de George Orwell au rayon des aimables plaisanteries. Et à chaque fois, l'émission est une réussite. Les chiffres font tourner la tête des patrons de chaîne. Mais au cœur de ce raz-de-marée, un pays résiste à la tentation. Ce pays d'irréductible, c'est la France. Jamais cette télévision-là ne trouvera sa place ici. Les promesses n'engageant que ceux qui les reçoivent, 2 ans après la première hollandaise, eh bien voilà ce qui arrive. Pendant 70 jours, 6 garçons, 5 filles quitteront l'anonymat pour vivre une loft story sous l'œil de 26 caméras, 24 heures sur 24. Quelque chose nous dit que vous aurez toujours un œil sur eux, et c'est bientôt sur M6. Avril 2001. Depuis plusieurs semaines déjà, les téléspectateurs d'M6 voient ce logo intrigant, attirant aussi. Un œil bleu perçant dessiné à gros traits sur un fond jaune vif. Il apparaît, puis disparaît dans un clignement accompagné d'un petit bruit d'appareil photographique. Une voix grave s'impose d'emblée comme le narrateur du show à venir. Le générique est construit autour d'une multiplication d'écrans et de caméras qui se succèdent. Oui, car tout est là. La promesse d'un voyeurisme assumé. Le téléspectateur pourra tout voir, oui, il pourra tout entendre. Transparence garantie. On a changé de nom, ça s'appelle Love Story. On parle de fiction réelle, absurde oxymore. Mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est bien Big Brother qui arrive en France. Derrière cette nouvelle émission, on trouve ASP Productions. Elle est dirigée par un duo constitué d'un producteur et d'un animateur vedette. Chez ASP, le producteur, c'est Stéphane Courby. La vedette, c'est Arthur. Depuis 10 ans, cet animateur s'est imposé à la radio et à la télé comme l'interlocuteur des jeunes à coups d'émissions potages sur Fun Radio puis Europe 1, se présentant officiellement comme l'animateur le plus con de la bande FM. À tort ou à raison. Pour la télévision, il présente des shows à succès dont la plupart ont été conçus par Stéphane Courby, jeune producteur de télé charismatique et déterminé. On peut citer Les Enfants de la télé ou La Fureur du samedi soir. C'est d'ailleurs ce programme qui attire l'attention de John Demol, le patron d'Endemol. Pour développer ses programmes à l'étranger, la société hollandaise s'appuie sur des relais nationaux, rachète les parts de l'entreprise et donne accès à son catalogue de programmes. 3 ans après avoir été en partie racheté par Endemol, Arthur et Stéphane Courby parviennent à adapter l'émission phare de la société néerlandaise Big Brother. Pour cela, il faut trouver une chaîne. Eh bien, c'est M6 qui franchit le Rubicon. À quelques semaines de son lancement, on ne sait pas grand-chose du programme, si ce n'est qu'il sera présenté par Benjamin Castaldi, transfuge de TF1. Le jeune premier du PAF, fils d'acteur, lancé dans le grand bain par Michel Drucker, la coupe en brosse et la carrure solide est promis à un avenir radieux. À l'approche de la première de l'émission, l'excitation grandit, il est interrogé au micro de France Inter. C'est de la Real TV, c'est un jeu de rencontre, j'ai presque envie de dire un jeu de société. C'est-à-dire qu'on, c'est une micro-société, on regroupe des gens dans une maison avec un jardin et on va voir ce qui va se passer. Et moi, mon rôle, ça va être d'être vraiment le médiateur et de faire vivre tout ça en parfaite harmonie. Vous quittez TF1 sans regret ? Si, j'ai un regret, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on s'est raté, mais la vie est longue. Là, vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir monter dans ce train. C'est une chance énorme. Le jeudi 26 avril 2001, c'est le grand soir. Premier prime time, the show must go on. Les Français vont enfin découvrir ce Love Story. En studio, le public est en surchauffe. D'abord, on découvre le loft proprement dit, 225 mètres carrés, la vaste salle à manger, la cuisine américaine, les chambres. Tiens, la piscine a l'air petite. Et puis on ne sait pas trop pourquoi, mais la production a placé un enclos à poules dans le jardin. On dévoile le dispositif de 26 caméras cachées derrière des vitres sans teint. Les règles du jeu sont alors exposées. Enfermés pendant 70 jours, 6 filles et 5 garçons, tous célibataires et inconnus du grand public, cohabitent sous l'œil permanent des caméras. Pour améliorer leur quotidien, la production leur confie des missions. Ils seront régulièrement convoqués dans une salle différente appelée le confessionnal. Là, face à la caméra, ils témoigneront de leur expérience et de leurs états d'âme. Enfin, chaque semaine, à tour de rôle, les filles nommeront les 2 garçons qu'elles aiment le moins et les garçons feront de même avec 2 filles la semaine qui suit. Captivant. Les téléspectateurs, eux, ne sont pas que des voyeurs, puisqu'ils seront ensuite invités à voter pour éliminer le candidat qu'ils souhaitent voir quitter le loft. À la fin, il ne restera qu'un couple de vainqueurs. Le prix de la victoire, une maison, estimée à 3 millions de francs. Et ce qu'attend le public avec impatience, ce sont les candidats, justement. Sur le plateau, Benjamin Castaldi lance de courts portraits des héros du jeu. Elle se définit elle-même comme une jeune femme moderne, une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux. Bon, je suis un peu exhibitionniste, un peu naturiste sur les bords. Et si Aziz est si attentif à son look, c'est bien sûr d'abord pour séduire les filles. Bien sûr, ça c'est clair. Parce qu'après les filles, comme ça, elles m'ont dit « t'es mignon, toi ». Laure est une fashion victime, les styles, elle les adopte tous au gré de ses humeurs. Issue d'une famille aisée, la jeune fille s'amuse à cultiver son côté rebelle. Son péché mignon, les talons aiguilles. Quand on est maquillée, c'est comme une entre guillemets, une sorte de carapace, surtout que je me maquille quand même pas mal. Donc ça me protège, comme si les autres ne pouvaient pas m'atteindre directement. Les lofters, c'est comme ça qu'on les appelle, ont été triés sur le volet. Chaque candidat s'affiche d'emblée comme un personnage type, une caricature. Mais lui ne le sait pas forcément, bien sûr. Les rôles sont distribués, il y a Philippe, l'intello à lunettes, Jean-Édouard, le beau gosse, Laure, la bourge fashion, Stevie, le blond peroxydé, légèrement maniéré pour les uns, beaucoup trop pour les autres, Kenza, la frondeuse, qui n'a pas sa langue dans sa poche, hélas. Ou encore Aziz, le beurre tout en muscles, un atout face à la vision du monde que semblent avoir les jeunes filles qui les attendent. À l'extérieur du studio, une voiture noire s'avance. Elle s'arrête devant le tapis rouge. De longues jambes sortent du véhicule. D'énormes chaussures compensées, une mini-jupe, un manteau de fourrure recouvrent un débardeur qui laisse apparaître les trois quarts d'une poitrine imposante. La France découvre Loana, la bim-boum blonde. Installation dans les lieux, présentation entre les garçons et les filles, excitation palpable, banalités échangées. Fin de l'émission, le jeu peut commencer. Pendant que Loft en prend ses marques, chez M6, le dispositif se met en place. Tous les jours, sur le coup de 18h, une émission quotidienne revient sur les événements de la journée. Le jeudi soir, en prime time, un show de 2h résume la semaine et élimine l'un des candidats. Sur TPS, les téléspectateurs peuvent suivre la retransmission continue en direct, mais oui, 24h sur 24. Enfin, en direct, pas vraiment. En réalité, la télé du même nom établit un léger différé de 2 minutes 45 entre la maison et la diffusion, au cas où. Les premiers jours, on découvre les personnages. Certains commencent à sortir du lot. Aziz s'affiche d'emblée comme le leader du groupe. Kenza anime les débats. Les premières discussions tournent beaucoup, voire exclusivement autour du sexe. La routine s'installe. Les Français apprennent les expressions d'une génération comme c'est clair, y compris pour ce qui est obscur, comme le seront la majorité des propos qu'ils tiendront indigents mais bankable. Pourtant, c'est un événement en particulier qui va faire basculer l'émission dans une autre dimension. Quelques jours après leur entrée, c'est soir de fête dans le loft. L'alcool coule à flot, la musique est à fond. On danse, on rit, on se jette dans la piscine pour un bain de minuit. Ils ne sont plus que deux dans l'eau. Loana la bimbo et Jean-Édouard le beau gosse. Regard langoureux, dans le cadre, Loana de dos, Jean-Édouard de face, accoudé au rebord de la piscine. La jeune fille s'approche du garçon, ils s'enlacent, premier baiser. Puis, sous l'œil des caméras, ils font l'amour. Sur TPS, on coupe. Et dans son émission quotidienne, M6 ne montre que le baiser, les cris de joie des autres participants en arrière-fond et les confessions qui suivent autour d'un essentiel qu'on n'a même pas vu. Et on va dire que l'autre jour, quand je suis passé dans le confessionnal, j'ai dit que j'appréciais tout le monde et pas quelqu'un. Sauf qu'il y avait une fille que je trouvais trop extravagante. Il s'avère que ce soir, j'étais dans la piscine avec cette jeune fille un peu trop extravagante à mon goût. Et que, voilà quoi, on s'est compris. Mais que c'est vrai que, pour moi, elle est quand même toujours trop extravagante. Il ne faut que quelques heures à Jean-Édouard pour regretter son histoire d'un soir. Le lendemain, il n'adresse pas un regard à Loana. Dévastée, la jeune fille erre dans la maison, emmitouflée dans un gros pull en laine. De son côté, Jean-Édouard se rend compte de son erreur et courageusement, il se confesse. Putain, mais qu'est-ce que je suis con, mais par moments, mais c'est pas possible. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. C'est pas normal ou c'est normal, je sais pas. C'est que j'aime bien que je suis là, je suis déjà en train de pleurer dans ma caméra, c'est impressionnant. C'est même pas... C'est bizarre. Les producteurs promettaient que le loft serait soft. C'est réussi. M6 n'en demandait sans doute pas tant. Surtout, la chaîne est prise de court. Son site est piraté et la vidéo des ébats aquatiques de Jean-Édouard et Loana fait le tour d'Internet. La violence de cette succession d'événements est terrible. Le voyeurisme atteint son paroxysme. Malgré tout, on est loin de la transparence totale promise. Ainsi, la personnalité des candidats présentés dans l'émission montée et celle qui apparaît dans le direct en continu sur le câble est différente. En vérité, la scénarisation du show par M6 est complète. Au bout de quelques jours, l'un des candidats décide de quitter le jeu. Il est remplacé par Fabrice. Rencontre avec ses nouveaux colocataires. La première question qu'il lui pose, oh, elle est simple. Est-ce qu'on est des stars, là, à l'extérieur, coupés du reste du monde? Les lofters ne s'en rendent pas compte, mais à l'extérieur, oui, ils sont des stars. Et c'est bien le problème. So it's a goodbye. To set you free, is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain, and deep below it burns, and the feeling still remains. Sorrow, another day will dawn. Vendredi 11 mai 2001, Boulogne-Billancourt. Dans son bureau de la tour de TF1, Patrick Lelay, le président de la première chaîne de France, fulmine. Les audiences de la veille viennent de tomber. Le prime time de Love Story sur M6, la chaîne concurrente, a réuni 7 millions de téléspectateurs, plus de 37% de parts de marché, des chiffres vertigineux. Si tous s'interrogeaient sur la réussite de ce type de programme en France, la réponse est vite arrivée en espèces sonnantes, trébuchantes et un peu navrantes. Pour Patrick Lelay, la pilule est dure à avaler. Ils avaient pourtant passé un accord tacite, lui et Nicolas de Tavernost, le président d'M6. Il n'y aura pas de Real TV en France. Chacun s'était engagé la main sur le cœur à respecter ce deal. Pour M6, c'est TF1 qui a rompu l'accord en annonçant Koh-Lanta, adapté de Survivor, l'émission américaine. C'est un jeu d'aventure, répond TF1. Alors M6 réplique. Elle a investi beaucoup, près de 69 millions de francs, et elle a réussi son pari. Le voilà le fameux coup de la petite chaîne qui monte, ce coup qu'elle cherche depuis des années, celui qui lui permettra de venir titiller le bateau amiral TF1. Face au succès de l'émission, M6 recule lors de la quotidienne de Love Story à 19h pour la placer face au Big Deal de Vincent Lagaffe. Et ça marche. Le Loft commence à rattraper les audiences du leader incontesté jusque-là de l'Access Prime Time. Le vendredi 11 mai 2001, Patrick Lelay publie une tribune dans Le Monde à charge contre Love Story. Peut-on tout montrer à la télévision? J'ai toujours refusé, en tant que président de TF1, de porter un jugement sur les programmes de nos concurrents. Cependant, le vacarme provoqué par la diffusion de Love Story par M6 m'oblige, pour des raisons déontologiques, morales et politiques, à faire entendre sereinement la voix de TF1 dans la cacophonie ambiante. La transgression par M6 d'une règle observée jusqu'à présent par tous les diffuseurs privés ou publics de ne pas toucher à la télé poubelle est une très forte interpellation. Aux responsables d'associations familiales de décider si Love Story et ses sous-produits pornographiques mettent en cause la protection de l'enfance. aux défenseurs de la personne et de la dignité humaine de s'interroger sur la situation psychique et juridique des jeunes participants à Love Story. Au CSA de dire si une chaîne généraliste en clair peut diffuser à une heure où une majorité d'enfants regardent la télévision un programme incitant des jeunes gens à former un couple temporaire par appât du gain. Quant à moi, je maintiendrai le cap fixé par Francis Bouygues en 1987, faire que TF1 reste la chaîne préférée des Français, s'adressant à tous dans le respect de leurs convictions, de leurs croyances et de leur dignité. Au sommet du PAF et dans ce qui reste de cerveau disponible, la guerre est déclarée. Mais la tribune de Patrick Lelay n'a pas l'effet escompté. On ricane même un peu de voir le président de TF1 dénoncer la télépoubelle quand sa propre chaîne n'est pas réputée pour l'exigence intellectuelle de ses programmes. L'affrontement direct entre TF1 et M6 se traduit aussi sur le terrain juridique. La première chaîne bombarde le CSA de réclamations à l'encontre de sa concurrente. Légèrement dépassé par les événements, le CSA revêt son costume de pompier. Dominique Baudis, le président de l'institution, fait le tour des médias pour assurer qu'il surveille l'émission. La question est de savoir si on est en dehors des clous ou à l'intérieur des clous. Et là, il nous semble que ils ont franchi la ligne sur 2-3 points et c'est ce qu'on a déclaré ce matin et on va bien voir la suite que M6 va donner à nos remarques. On leur demande de se montrer beaucoup plus vigilants qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent sur la consommation excessive de tabac et d'alcool par ces jeunes. C'est pas des conseils amicaux, ce sont des demandes solennelles. En plus de la consommation d'alcool et de tabac par les candidats, le CSA intervient sur plusieurs éléments de l'émission. Ainsi, le Loft change-t-il en cours de programmation? Les candidats bénéficient désormais de 2 heures en dehors des caméras. Les téléspectateurs ne doivent plus voter pour celui qu'ils veulent éliminer, mais pour celui qu'ils veulent voir rester. Le diable se cache dans les détails. Nicolas de Tavernost est convoqué pour évoquer les contrats des participants à un moment où Love Story emporte tout sur son passage. $3,700,000 appels téléphoniques pour les votes du public, plus de 100,000 abonnements au canal 27 de TPS, 1 millier de connexions par jour au site internet m6.net, plus de 400 sites pirates créés. Le coût des 30 secondes de publicité pendant l'émission passe de 84,000 à 230,000 francs. Il suffit parfois de quelques chiffres pour mesurer l'ampleur d'un phénomène. Et la France se retrouve coupée en deux entre les pour et les contre. Au final, tout le monde regarde, car il faut prendre position. Chez ceux qui s'opposent, on n'a pas de mots assez durs, règne du vide, voyeurisme, bêtise. Certains vont même jusqu'à parler de camps de concentration télévisés. Du côté des pour, on vante l'intérêt sociologique de l'expérience, la photographie d'une génération. Un débat passionnel, à défaut d'être passionnant. On ne compte plus le nombre de reportages dans les familles pour savoir qui regarde l'émission et pourquoi. Dans certaines entreprises, on décale l'heure de la pause pour que les salariés puissent voir le Loft. On mobilise des sociologues en plateau pour analyser le phénomène. Des psychologues pour se rassurer. Serions-nous donc tous des voyeurs, attirés par ce réel factice? Les parents doivent-ils en parler avec leurs enfants? Télé-réalité micro-trottoir, on recueille la parole des auditeurs et des spectateurs pour essayer de comprendre le phénomène, comme auprès de cette auditrice de France Inter. C'est une question toute simple. Je voulais vous demander la question suivante. Qui est le plus glauque? C'est le seul mot que j'ai trouvé dans l'histoire. Qui est plus glauque? Celui qui regarde ou celui qui montre? Parce que c'est vraiment quelque chose qui me surprend. Moi-même, je n'ai pas regardé parce que j'avais peur, justement, de regarder une intimité de jeunes gens qui font ça, bon, les pauvres, pour de l'argent. Mais surtout ceux qui regardent et ceux qui font faire ça, qui est le plus glauque dans l'histoire? La machine médiatique s'emballe, l'émission s'invite dans les journaux radio et télé. En 2 mois, Le Parisien consacre 44 pages au programme. Libération 41 et Le Monde 27. La couverture de l'événement par ses titres dits sérieux ne manque pas d'être critiquée. Même les politiques sont obligés de s'exprimer sur Love Story. C'est le cas par exemple de Jean-Luc Mélenchon, membre du gouvernement Lionel Jospin. Moi j'en ai plein le dos, hein. Je vous dis les choses franchement. Il faudrait quand même que les Français s'attardent de temps à autre sur leurs contradictions. On se tourne vers moi en tant que ministre de l'Éducation nationale, chargé de l'enseignement professionnel. On me demande qu'il n'y ait pas de violence, que les jeunes se respectent. On y met des millions. On est en train d'organiser une campagne sur le respect. Et ensuite, on passe son temps, ses soirées, sans aucune espèce de sens de responsabilité morale, à regarder quelque chose qui, dans lequel il n'y a rien à voir, sinon des gens qui s'entre-dévorent, parce qu'il s'agit bien de ça. D'accord ? C'est à longueur de une, tous les jours, comme si c'était le grand événement du siècle. Hein, de montrer des gens qui ne font rien, qui ne produisent rien, qui n'inventent rien, et dont le seul but dans la vie est de gagner de l'argent et de se faire connaître. Bon, ben si c'est ça les valeurs hein, que ce peuple a l'intention de porter, il faut ensuite qu'il en assume les conséquences. D'accord ? Ne venez pas pleurer après si les gens ne se respectent pas, si vous avez du mal à les faire travailler, si vous avez du mal à les faire se comporter comme des êtres humains dignes et libres. Et les gens, au fond, ont la télé qu'ils méritent. S'ils ne résistent pas, ils en mangeront encore plus du comme ça. Et ça ne s'arrête pas là, les critiques verbales ou écrites s'accompagnent de manifestations physiques. Des associations comme Souriez, vous êtes filmé, se mobilisent. L'opération Loft Raider, l'ultime assaut pour libérer les otages de M6, je cite, est lancée. Elle prendra corps le jour où une centaine de personnes réussiront à entrer dans le loft. Les candidats doivent alors se réfugier dans leur chambre pendant que la production et les forces de l'ordre font évacuer les lieux. Et ce n'est pas tout, même le siège d'M6 est pris d'assaut. Décidément, Loft Story déchaîne les passions. Cet après-midi, 200 manifestants ont déversé des poubelles à Neuilly devant le siège de la petite chaîne qui monte pour protester contre cette émission d'M6, les anti-Loft Story. Les militants de mouvements alternatifs se sont ensuite rendus à la plaine Saint-Denis devant le fameux Loft pour tenter de s'y introduire. Vous voyez, ils ont été refoulés par les vigiles après une sévère altercation. Rappelons que cette émission a battu jeudi soir un record d'audience historique de la chaîne avec plus de 7 millions de téléspectateurs. Finalement, cette surmédiatisation ressurgit sur les candidats qui se retrouvent en couverture de la presse People, point de départ d'une belle histoire d'amour et d'argent entre cette presse et la télé-réalité. Paris Match n'hésite pas à sortir en une la photo de la fille de Loana. Après leur intimité filmée en continu, c'est le passé des candidats qui se dévoile. Au moment de leur élimination, ils sortent sous les cris d'une foule de plus en plus importante, amassée devant le studio de la plaine Saint-Denis. Aziz, le premier éliminé, est invité au Festival de Cannes et a droit à un portrait en dernière page de Libération. David est reçu en grande pompe par Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Chaque semaine, le candidat sortant fait la tournée des plateaux télé. À l'intérieur du loft, ceux qui restent finissent par se rendre compte que l'essentiel se passe dehors. Alors l'ennui succède à l'ennui. Au moment de son élimination, Stevie saute de joie. Quelque part, les 11 nouvelles célébrités savent qu'elles ont pris le pouvoir. Les défis proposés par la production sont de plus en plus vains. On manque d'idées pour faire rebondir le jeu, mais pas pour le faire fructifier. Les lofters enregistrent l'hymne de l'émission. Plus de 400 000 exemplaires sont vendus en quelques semaines. Le soir du dernier prime arrive, on va enfin connaître les vainqueurs. France Inter dépêche un reporter sur place. Retour sur Terre en langage du loft, ça s'appelle notoriété. Entre le chien Chloé, quelque peu égaré, Laure qui embrasse sa maman, Christophe, lui, décolle. C'est génial ! C'est génial ! Heureusement qu'M6 leur avait fait lire auparavant les coupures de presse. Ça choque un peu. Hein. Ouais, c'est un peu la folie, là. Mais c'est sympa. En coulisses, les vigiles, plutôt musclés, déjà débordés. Et ce n'est pas fini, 23h10. Qui sort vainqueur de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story, Christophe et Loana. Ça vous étonne ? C'est le meilleur couple, c'est ceux qui devaient être élus, c'est les plus simples, c'est les vrais. Loana, vous la trouvez comment ? Super, en plus elle a un paraître, mais au fond d'elle, elle a vraiment des pensées qui sont plus que son corps, elle est vraiment, elle va au fond des choses et elle est vraiment sincère dans ses propos, et c'est ça qui l'a fait gagner ce soir. Et des gagnants qui repartent entre deux rangées de Malabar jusqu'aux voitures qui démarrent en trombe. Oh, les assurés, c'est vrai là, hein. Super. Mais c'est vrai qu'ils sont trop beaux. Hein. Onze millions de téléspectateurs assistent à cette finale de Love Story. Christophe et Loana l'emportent. Après l'annonce des résultats et les félicitations, la jeune femme se tourne vers Benjamin Castaldi. Elle voudrait juste dire une chose. Le présentateur lui tend le micro, elle le saisit, s'avance et dit « Merci de vous être intéressé à moi ». Tout est sans doute là, dans ces derniers mots d'une femme tout juste starifiée pour être restée pendant 2 mois sous l'œil permanent des caméras. La télévision s'est engouffrée dans la brèche, passant outre parfois les risques que ces programmes peuvent représenter pour les participants. On pense bien sûr à la terrible descente aux enfers de Loana, à François-Xavier alias FX, le candidat de l'émission Secret Story qui s'est suicidé il y a quelques années, et à ce crash d'hélicoptère en Argentine qui a décimé une équipe de tournage et de participants à un jeu de télé-réalité, parmi lesquels la navigatrice Florence Artaud. Telle est la télé-réalité qui, sans complexe, porte le nom de tout ce qu'elle n'est pas, car la réalité, elle la met en scène, elle la scénarise, elle est tout sauf la vérité. Et elle seule, détenant de l'audimat son pouvoir suprême, peut se permettre de faire accéder à la notoriété une jeune femme qui n'a rien fait d'autre que de tenir un discours indigent à coup de halo au secours. Allô ? Non mais allô quoi ? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô ? Allô ? Je sais pas, vous me recevez ? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. C'est des années, vous continuez à décrypter ce que nous montre la télé, bien sûr, parce qu'il y a l'image et puis il y a surtout le sens des images. Au moment de Love Story, vous produisiez et présentiez l'émission Arrêt sur image sur France 5. Vous étiez aux premières loges. Quelle était votre première réaction, déjà, quand vous avez découvert cette chose? Ben moi, je vais plaider coupable. Hein. J'ai été fasciné. Tout de suite fasciné, et donc avec tout de suite, en même temps, le désir de réfléchir sur l'objet lui-même, et sur ma propre fascination. Pourquoi j'ai été fasciné? Si j'essaye de formuler ça, je pense que j'ai été fasciné parce que ça sortait de tous les formats connus, si vous voulez. Ça faisait plusieurs années que je regardais la télé pour Arrêt sur image. Et on voyait des émissions formatées. Le JT était formaté, les documentaires étaient formatés, Envoyé spécial, c'était formaté. On voyait la plupart du temps des émissions montées. Quand elles n'étaient pas montées, quand c'était du direct, c'était en général très court. Mais cette espèce de truc, 24-24, non monté, où on ne savait jamais ce qui pouvait arriver, et où, même si parfois il n'arrivait rien d'ailleurs, et le plus souvent il n'arrivait rien, c'était juste totalement nouveau. Donc ma toute première réaction, c'est de me dire, c'est nouveau, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, c'est quand vous dites je plaide coupable, en fait, quand on est fasciné par quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on l'admire. Hein. On est interpellé au moins. Non, et mais après attendez, tout, il y avait de quoi être interpellé. Je vais aggraver mon cas, j'ai aimé, je pense. Ah oui. Non, mais j'ai écouté votre. J'ai écouté la première partie de votre émission. On sent bien que vous prenez tout ça avec de très longues pincettes. Moi, j'ai aimé. On va dire que ma fascination m'a à la fois intrigué. Et le fait que je reste sans effort apparent devant ce truc, et avec même un certain plaisir, m'a aussi interpellé. J'ai été intrigué par le plaisir que j'y prenais. On a consacré je ne sais plus combien d'arrêts sur image uniquement à ce sujet-là, oui, quand c'est arrivé, 5 ou 6, je crois. Et je vais vous dire, c'est même pas la chaîne qui me demandait de le faire de l'audience. Parce que, alors, on a fracassé nos audiences. Avec les émissions qu'on a fait sur Love Story, on n'avait jamais fait des audiences aussi fortes. Et c'est même pas la chaîne qui me demandait, au contraire, la chaîne était un peu gênée, parce que la chaîne se demandait, France 5, chaîne de la connaissance. Ouais, c'est pas la ligne éditoriale. Oui, quoi. C'était pas très clean même dans l'équipe, je vais vous dire, dans l'équipe de journalistes d'Arrêt sur Image, au bout d'un moment, ils me disaient, bon, écoute, est-ce qu'on pourrait pas parler d'autre chose? Mais j'étais dans un état de tétanisation telle que j'arrivais pas à regarder autre chose et à parler d'autre chose tant que j'aurais pas compris ce qui nous arrivait collectivement avec ce machin-là. Alors justement, avant que ça arrive, vous aviez invité Étienne Bougeotte, et vous disiez, on est d'accord, ce type de programme comme Big Brother, ça n'arrivera pas en France. Est-ce que c'était une fable, en fait, quand on disait, non, jamais ça, c'était une fable? On savait bien que ça allait arriver, non? Moi, non, j'en savais rien, j'étais pas dans les secrets d'M6, mais si vous voulez, avant de découvrir l'objet lui-même, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire, j'en avais la vision périphérique, si vous voulez, que donnait le système médiatique français, qui était de dire, regardez cette espèce de horreur, il passe 24 heures sous l'œil des caméras, Big Brother, etc. Bon, et quand c'est arrivé, franchement, j'ai vu autre chose. Alors, il y a un tas de trucs que j'ai pas vu, sans doute. Mais en tout cas, il y a des choses que j'ai vues. Et ça, encore aujourd'hui, 15 ans après, je le regrette pas. Quoi, par exemple, le moment principal? Vous l'avez dit, j'ai vu, par exemple, un documentaire sociologique tel qu'on ne me l'avait jamais montré sur un certain milieu, sur une certaine classe d'âge. J'avais vu des émissions sur les jeunes. Il y a plein d'émissions sur les jeunes. Il y a des documentaires sur les jeunes. Il y a des émissions où les jeunes sont castés pour, je sais pas, au moment de je sais plus quel mouvement revendicatif anti-Balladur. On avait fait venir des jeunes pour interpeller Balladur. Bon, mais c'est toujours scénarisé, c'est toujours monté, c'est toujours les jeunes sont toujours choisis pour être un peu méchants, mais pas trop, interpellés, un peu, pas trop. Oh, ceux-là aussi un peu, on leur donne un rôle quand même, hein. Ils sont un peu archétypes quand mais, même. Non, mais si vous voulez, qu'il y ait dans cette émission des choses qu'il y avait dans toutes les émissions de télé, oui, bien sûr. Mais il y avait aussi des choses qu'il n'y avait pas dans les autres émissions de télé. Et ce qu'il n'y avait pas dans les autres émissions de télé, c'est de laisser le scénario s'écrire tout seul. Parce que vous avez dit que c'était scénarisé. Oui, le montage quotidien que faisait M6 était scénarisé à mort. D'ailleurs, ça, c'était pas du tout intéressant. Ce qui était intéressant, c'était le direct. Ce qui était intéressant, c'était le 24-24. Ce qui était intéressant, c'était les moments creux, les moments vides, les moments où... Mais je vous jure. Non, mais c'est vrai. Vous voyez, vous êtes d'accord. Mais oui, cette vacuité-là montrée à l'écran, elle m'a aussi intéressé. Parce qu'après tout, on a tous des moments de vacuité dans la vie. Tous bien sûr. On se reconnaissait. Voilà. On se reconnaissait avachis sur nos canapés, pas toujours très malin, avec des grosses vannes à 2 balles, etc. Et ça nous montrait, on va dire, voilà, il y avait une espèce de coupe en carotte sur une génération, la génération des 18-30, je sais plus. Oui, c'était ça à peu près. Je sais plus quelle était la fourchette d'âge, telle qu'on nous l'avait jamais montrée, et avec un parfum de réalité, alors qui n'était pas la réalité, on est bien d'accord, mais avec un parfum de réalité qu'on n'avait jamais senti nulle part. Alors je vais vous faire une confidence qui va vous rassurer, si tant est que vous ayez besoin d'être rassuré. Moi, je me souviens à France Inter, au sein de la rédaction, On a eu un débat là-dessus. Vous voyez, est-ce qu'il faut en parler? Parce que c'est pas non plus la tasse de thé, enfin, c'est pas la ligne éditoriale de France Inter, hein, c'est clair. Puis on s'est aperçu assez vite que c'était un phénomène de société, hein, qu'à partir du moment où on en parlait, on se devait, nous aussi, d'être le, non pas le relais, mais d'être un relais d'information sur cette émission. Et les choses ont été tranchées assez vite. Alors, beaucoup de médias participent à ce phénomène. Les journaux qui en font leur une, qui consacrent de nombreux articles, ça n'a pas manqué de faire réagir les lecteurs de ces journaux-là. On va écouter une archive ensemble, c'est Edoui Plenel qui défend le choix du journal Le Monde de se consacrer de nombreux papiers à l'émission Love Story. Que ça bouscule certains lecteurs, que ça intéresse d'autres lecteurs, que ça partage nos lecteurs, c'est une chose. Je n'ai pas le sentiment que ça ait provoqué une crise du lectorat. Au contraire, nous recevons toutes sortes de tribunes d'intellectuels parce que nous sommes le lieu du débat sur Love Story. Nous sommes le lieu de l'information sur Love Story, non pas du commentaire, de l'information et du débat. Ce n'est pas intéressant que Edoui Plenel donne au lecteur son point de vue sur Love Story. Ce qui est intéressant, c'est que la rédaction qu'il anime soit capable d'informer sur Love Story et de faire vivre le débat intellectuel sur Love Story. On a publié toutes sortes de points de vue différents, variés. C'est ça notre rôle. Alors, je pense que, en fait, la réaction de ceux qui en disent « ils n'en font trop », c'est ce que nous dérangeons dans leur confort. Notre rôle, c'est d'abord de faire des effets de loupe, des effets grossissants, quand il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans notre société. Ben voilà, nous voilà tous rassurés d'avoir parlé de Love Story. Il est toujours aussi bon vendeur, hein, il n'a pas changé. Enfin, sur le fond, il nous rejoint. Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est le pour comprendre aussi, faut voir que. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, moi, ce qui m'est tout de suite apparu, c'est que. Si je tenais, moi j'étais critique média au Monde à ce moment-là, oui. avec Plenel. Et ce qui m'est tout de suite apparu, c'est si je tenais le discours qu'on attendait de moi face à l'apparition de cette émission, c'est-à-dire le discours de répulsion et de dégoût, mm-hmm. Évidemment ça les servirait. Puisque ça servirait Love Story, je veux dire. Mm. Puisque ils avaient construit leur stratégie sur la transgression. Je veux dire, et la transgression. On va faire un truc qui n'a jamais été fait, et vous allez voir les culs serrés, ceux qui se bouchent le nez, vous allez les entendre, mais tant pis, on le fait quand même, etc. Donc, le discours bien pensant de dégoût, de toute façon, aurait été contre-productif, et voilà. Et en plus, spontanément, j'avais pas envie de le tenir, parce que moi, j'essayais d'être honnête et sincère, et moi, ça m'intéressait, et même ça me plaisait, donc j'avais plutôt envie de travailler, comme je vous le disais, sur mon propre intérêt, mon propre plaisir, que de... Voilà. Alors, après, aussi, il faut voir que c'est... Par exemple, l'apparition de Love Story est contemporaine de la montée en puissance d'Internet dans les représentations publiques, et notamment du fait que commence à se brouiller les frontières entre vie publique et vie privée. Absolument. Je veux dire, 2001, c'est le moment où on ne sait plus très bien finalement, ce qu'on va donner de sa vie privée au public, ce qu'on va garder pour soi. Si vous en souvenez, c'est le moment où arrivent les webcams, la mode des webcams, des internautes chez eux qui se mettent une petite webcam sur l'ordi et qui se filment comme ça et qui se montrent dans la trivialité de leur vie quotidienne. Je me lève, je me fais mon petit-déj, je vais prendre ma douche. Alors, je me filme sous la douche ou pas, c'est en option. Mais puis, voilà. Pourquoi d'ailleurs, un vrai sociologue pour répondre à ça, mais c'est ce besoin... c'est quoi? C'est un besoin de reconnaissance? C'est un besoin de partager comme ça son, pour dire voilà, j'existe, un besoin d'existence, c'est quoi? Ouais, je crois que vous avez dit les deux choses, et puis c'est sans doute encore d'autres choses. C'est à la fois un besoin de reconnaissance et une envie de partage. Vous savez, l'Internet, c'est envie de partager, donc on a envie de partager des connaissances, puis on a aussi envie de partager... Bah, je veux dire, ça n'a fait ensuite que croître et embellir, hein, avec Facebook. Bon, on n'était pas... C'était avant Facebook, hein, 2001, Facebook. Mais enfin, il y a déjà les prémices de Facebook, si vous voulez. Il y a déjà les prémices de je donne ma vie au public. Puis évidemment, il y a cette espèce de besoin de reconnaissance et de célébrité immédiate, il y a aussi ça. Donc, si vous voulez, Loft arrive à ce moment-là, à un moment où on peut légitimement se demander est-ce que toute une conception de la vie privée, en gros, qui est héritée de, je ne sais pas moi, on va dire la Révolution, pour faire simple, est-ce que toute cette conception-là n'est pas en train de se fracasser, et est-ce que la vie privée n'est pas définitivement devenue une notion obsolète? Donc, ça ajoute à l'effroi des antis, qui sentent d'une certaine manière la terre se dérober sous leurs pas. Et ça ajoute aussi évidemment à l'intérêt des journalistes qui pressentent un mouvement tectonique et qui se disent bon ben si ça se produit je veux être là et je veux en parler, je veux en rendre compte. C'est-à-dire fondamentalement à la base moi je suis reporter, c'est-à-dire reporter ça veut dire dès qu'il se passe un truc j'ai envie d'y être, de regarder, de raconter. Et puis là c'était du reportage en fait. Alors ça ouvre aussi la voie à ce que certains appellent peut-être par excès, je sais pas, la dictature de la transparence par internet, par ce genre d'émission. Il y a quelque chose qui est gênant, que la réalité soit scénarisée, pourquoi pas, pour qu'il y ait de rythme, il n'y ait pas trop à l'antenne, on peut le comprendre. C'est juste une approche professionnelle. Ce qui est peut-être plus gênant, c'est ce côté voyeurisme qu'on retrouve aussi sur Internet, finalement. Hein, ça, c'est peut-être la tendance qui nous gêne. Mais si vous voulez, moi, à l'époque, je suis sur l'idée que la transparence, c'est bien. Mmh. Et même pire que ça, la transparence, c'est le bien. L'opacité, c'est mal. La transparence, c'est bien. Je suis critique média. C'est-à-dire que mon boulot, c'est de faire toute la transparence sur la manière dont l'information se fabrique. Mmh. De faire toute la transparence sur les coulisses des médias, sur les coulisses de la télé, etc. Donc, je suis dans une vision, dans une période où je pense qu'on crève d'opacité, on crève de secret, et que tout ce qui pourra aller dans le sens de la transparence sera à encourager d'une façon générale, sans nuance. Je vous donne là mon état d'esprit de l'époque. Il a changé. Si ça vous intéresse, on pourra parler d'aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà. Donc à l'époque, je suis plutôt favorable. Enfin, je me dis, c'est intéressant. Il faut explorer. Bien sûr, je comprends. Alors, en ce temps-là, pas si vieux, hein, 2001, et c'est aussi le concept de notre émission, c'est de réécouter ce qu'on écoutait à l'époque, et notamment, en 2001, Alain Souchon, La vie ne vaut rien. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à un tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien. Joli petit sein de mon ami, là je dis: rien, rien, rien, rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. Dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie, et il a dit: ah, la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, quand je tiens la... Anna Souchon sur France Inter, c'était en 2001, Daniel Schneiderman. Il y a un autre problème dans cette télé-réalité telle qu'elle a été conçue, en tout cas au début, parce que ça a évolué, c'est que ces gens-là, les candidats, n'avaient à prouver aucun talent, aucune connaissance particulière, aucun talent sportif, enfin, il était là aussi le problème quand même. Quel exemple on a montré aux jeunes de l'époque, quoi. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Oui. Et vu d'aujourd'hui, vous avez raison. Je dirais qu'à l'époque, c'était un attrait supplémentaire. C'est-à-dire que l'émission donnait très fortement l'impression de, d'une certaine façon, rendre la parole au peuple, aux anonymes, à ceux qui n'avaient pas de talent particulier, et de leur rendre une parole qui avait été, qui était confisquée d'une manière absolue, si vous voulez, par les sachants, par les intellos, par les politiques, qui monopolisaient l'expression publique. On retrouve le parallèle avec Internet, là, vraiment. Exactement. Exactement. Ouais. Et à l'époque, je me souviens qu'effectivement, je trouvais ça rafraîchissant. Mais oui. Oui, quand, non, mais bon, bah pourquoi quand, pas? Que ces gens-là aient aussi la parole, une parole de tous les jours, etc. Alors après, c'est vrai que 15 ans plus tard, il est évident que c'est un truc qui est à inscrire clairement dans la colonne passive de la télé-réalité. Non pas le fait d'avoir donné la parole aux anonymes, mais le fait d'avoir comme ça fait miroiter l'attrait la possibilité d'une célébrité immédiate, fulgurante et planétaire. Et durable surtout. Oui, parce que fulgurante, c'était vrai. Ouais. Mais et durable à des gens sans aucun talent particulier, quoi. Je veux dire, un des effets pervers de la télé-réalité, c'est ça, c'est d'avoir fait croire ça. Mais au fond, finalement, est-ce que c'est tellement plus grave que ce que fait l'État avec la super cagnotte, quoi? C'est-à-dire? L'État qui pousse les gens à acheter des billets de super cagnotte et voilà. Ouais, pour rêver de richesse. Alors qu'ils ont une chance sur 15 millions ou 150 millions. Bon, alors ça effectivement, donc ça a évolué. On est maintenant, je sais pas, on va prendre hasard, hein, Top Chef, par exemple, qui est une certaine forme de télé-réalité parce qu'on voit les coulisses de gens qui sont au départ anonymes, leurs états d'âme. Mais alors là, il y a une vraie performance. Parce qu'ils ont quand même un sacré talent, ces jeunes-là. Top Chef, c'est quand même un truc de fou, quoi. Ils vous font un dessert avec des légumes. Enfin, c'est magnifique, ce qu'ils font. Non, c'est vrai. Non, mais vous en parlez comme d'un prolongement. Oui, pas la même chose pour vous, c'est ça? Non, c'est plus du tout la même chose. Ça n'a plus rien à voir. La télé-réalité telle qu'elle était dans une espèce de pureté originelle avec le Loft a complètement éclaté, s'est éparpillé en 5, 10, 20 formes toutes différentes, si vous voulez, avec le... On va dire il y a deux pôles aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez passé l'extrait de Nabila. Bon, alors Nabila, c'est un pôle. C'est-à-dire que les anges de la télé-réalité, c'est le pôle, c'est le canal historique, c'est le pôle le plus fidèle à ce que c'était à l'origine. Mais évidemment, comme c'est plus du tout une surprise, comme maintenant on connaît ça par cœur, comme maintenant on sait comment c'est fait, il y a eu 17 000 reportages nous expliquant les coulisses, ceci, cela, ça n'a plus aucun intérêt. Je veux dire, moi, j'ai jamais regardé les anges de la télé-réalité, ça me viendrait pas à l'idée. Et puis, ce qui est plus intéressant, c'est que dans toutes les émissions, alors comme Top Chef, les émissions de cuisine, les émissions de boulangerie... De chant ou de danse, finalement, les descendants du Loft sont devenus l'exact contraire de ce qu'était le Loft en 2001. Il reste quand même les états d'âme en coulisses, oui, qui sont amusants, enfin, d'ailleurs. Ça, voilà. Non, mais ça, c'est pour faire genre, c'est encore la même chose. Mais c'est plus du tout la même chose. Non, mais c'est plus du tout la même chose. C'est des émissions dans lesquelles il s'agit, enfin, je veux dire, dans lesquelles les valeurs mises à l'affiche sont l'excellence, la compétition, le travail, l'effort. Je veux dire, quand vous dites les répétitions, oui, on voit les répétitions. Et qu'est-ce qu'on voit pendant les répétitions? C'est qu'ils en chient. C'est que, c'est... Ah oui, oui, mais oui. On achève bien les chevaux. Hein, mais oui, le message, un des messages que colportent toutes ces émissions d'aujourd'hui, c'est que la meilleure recette pour devenir riche et célèbre, c'est l'effort, c'est le travail, c'est la persévérance. Donc on est exactement à l'inverse. Du message qui passait dans le Loft. Donc, c'est des émissions qui sont, si vous voulez, à la fois infiniment plus morales que ne l'était le Loft, qui était une émission totalement immorale. Infiniment plus morale, qu'on peut aimer, mais que je trouve, pour ma part, beaucoup moins surprenante, quoi. Bien, donc pour une fois, l'évolution est favorable. Daniel Schneiderman, vous connaissez l'audiovisuel, hein, quand c'est l'heure. C'est l'heure. Bah oui, on est formaté ici, comme ailleurs. Il me reste à vous saluer et à vous remercier. Merci à vous. C'est... C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui Love Story, quand la France découvre la télé-réalité. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmaz et Julien Dumont.